إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer, inshallah, la suite de l'explication de Al-Usul al-Thalatha. Et aujourd'hui, on commence le cours numéro 12, dans le charh du Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafizahullah. Et on commence aujourd'hui un nouveau chapitre, ou bien un nouveau point, parmi les différents points, Ar-Risalat al-Thalitha, hein, la troisième partie dans l'introduction de Al-Usul al-Thalatha, qui parle de Millat Ibrahim, la religion d'Abraham. Et qu'est-ce que c'était la religion d'Abraham? Masha'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, qu'est-ce que c'était la religion d'Abraham? Le Cheikh, il commence, il dit I'lam rahimakallah, ou bien plutôt I'lam arshadakallahu li ta'ati. I'lam أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو عبادة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Donc ça c'est le point qu'on va expliquer à partir de maintenant, puis dans les cours qui vont suivre inshallah. Et ça c'est vraiment un cours important, comme on a dit, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous fait comprendre la religion d'Abraham, qu'est-ce que c'est, et l'importance du tawhid. Ok? Donc, qu'est-ce que ça signifie en français? Sache que Allah subhanahu wa ta'ala t'oriente vers son obéissance, que la religion d'Abraham, c'est al-hanifiyya. Donc, ou bien on peut dire que al-hanifiyya, qui est la religion d'Abraham, qu'est-ce que ça signifie? C'est d'adorer Allah lui seul et de purifier pour lui notre religion. De purifier pour lui notre religion pour qu'elle soit uniquement pour lui et entièrement pour lui, que toute notre adoration soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça, de faire ça, c'est-à-dire de purifier notre adoration pour Allah seul, ça c'est ce que Allah a ordonné à tous les hommes. Et c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes. Et la preuve de ça, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le verset 56, dans surat Al-Dhariyat, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le verset 56, dans surat Al-Dhariyat. La signification de qu'ils m'adorent, c'est quoi? La signification de Ya'budun, le Cheikh il dit, ça veut dire Yuwahidun. Ça veut dire, ils établissent le Tawhid. Pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire pour qu'ils m'adorent, qu'ils m'unifient en adorant que moi et en associant rien d'autre avec moi. C'est ça que ça veut dire. Et la plus grande chose que Allah a ordonnée, parce qu'Allah a ordonné plusieurs choses dans sa religion, mais la plus importante d'entre elles et la plus grande d'entre elles, c'est quoi? C'est le tawhid. Il n'y a rien de plus important. Et qu'est-ce que c'est le tawhid? c'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Barakallahu fi. Naam, inshallah. Ok. Naam. Donc, la plus grande chose que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, c'est le tawhid. Et la plus grande chose qu'il a interdit, c'est quoi? C'est le shirk. Et, wa alaykum salam wa rahmatullah, et c'est d'adorer d'autres choses avec lui, ou d'invoquer d'autres choses avec lui. Donc, en islam, il y a un principe. C'est quoi? C'est que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ordonne une chose, il interdit son contraire. Ok? Il interdit son opposé ou son contraire. Et lorsqu'il interdit quelque chose, ça implique l'obligation de son contraire. Lorsque quelque chose est interdit, ça veut dire son contraire est obligatoire. Et lorsque quelque chose est ordonné, son contraire est interdit. D'accord? Et donc, la plus grande chose qu'Allah a ordonnée, c'est le tawhid. Et donc, la plus grande chose qui est interdite, c'est le shirk. Parce que le shirk, c'est le contraire du tawhid. Et la preuve de ça, c'est dans le verset 36 dans Sourate An-Nisa, dans le verset dans lequel Allah dit « Et adorez Allah et n'associez rien avec lui ». Donc les cours qui vont suivre, ça sera pour expliquer ce point-là. Là, je l'ai lu, je l'ai traduit. Maintenant, on va voir phrase par phrase qu'est-ce que le Cheikh Al-Fawzan a dit au sujet de ce passage-là. Le Cheikh, il dit maintenant, le point numéro 12 donc, « I'lam arshadaka Allahu li ta'ati » Sache que Allah subhanahu wa ta'ala t'oriente ou te guide sur son obéissance. اعلم أرشدك الله قوله اعلم أرشدك الله هذا كأنه بداية رسالة ثالثة لأنه مضى رسالتان الرسالة الأولى المسائل الأربع التي تضمنتها سورة العصر والرسالة الثانية المسائل الثلاث التي سبقت والرسالة الثالثة هي هذه وستأتي الرسالة الرابعة وهي الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول. Donc le cheikh il dit que ici le cheikh il commence en disant sache que Allah te guide ou que Allah t'oriente sur le droit chemin ou sur la droiture. Donc ça c'est comme si c'était le début de la troisième partie, la troisième introduction dans le livre, avant de commencer à l'usul al-thalatha. On a déjà étudié ou vu les deux premières parties. La première partie, c'était les quatre questions qui ont été expliquées et qui sont comprises dans Surat al-Asr. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. On a vu que c'était premièrement l'ordre d'avoir la connaissance, la science. Et ensuite d'avoir la pratique. Troisièmement d'appeler à cette connaissance. Et quatrièmement. Ok, d'accord. Tayyib, Inch'Allah. Barakallahu fik. C'est vrai. Mais ça fait plaisir de te voir quand même, Hassan. Barakallahu fik. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et le quatrième, c'est de faire preuve de patience et d'endurance dans ces points-là. Donc, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est les trois points qu'on a étudiés dernièrement. Le premier, c'était que Allah subhanahu wa ta'ala il est notre créateur, celui qui nous donne notre subsistance et qu'il a envoyé des messagers pour nous guider, pour nous montrer le droit chemin. Celui qui l'obéit, il va au paradis et celui qui désobéit aux messagers, il va en enfer. Le deuxième point, c'était le fait que on ne doit rien associer avec Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah n'agrée pas qu'on associe quiconque ou quoi que ce soit avec lui dans l'adoration. Puis le troisième point, c'est qu'on a parlé, c'était al-wala wal-bara, l'amour pour Allah et le fait de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a mentionné les preuves à ce sujet-là. Là maintenant, on commence la troisième risala et c'est au sujet de la religion d'Abraham, comme on va le voir. Puis la quatrième risala, celle qui va suivre ensuite, c'est les trois fondements. C'est le début des trois fondements de Al-Usul al-Thalatha. Donc le cheikh il dit, ensuite il dit اعلم تقدم الكلام على لفظها وبيان معناها والمقصود من الاتيان بها. Donc quand le cheikh dit اعلم, ça veut dire sache, on a déjà expliqué cette parole là et qu'est-ce que ça signifie et pour quelle raison on l'a ramené. Donc on va pas le répéter encore une fois, mais quand même on voit que le cheikh il insiste pour que la personne qui écoute porte attention. Et ensuite il dit أرشدك الله هذا دعاء من الشيخ رحمه الله لكل من يقرأ هذه الرسالة متفهما لها يطلب العمل بها بأن يرشده الله والإرشاد هو الهداية إلى الصواب والتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. Le cheikh il dit donc أرشدك الله. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Arshadak Allah, c'est un dua que le cheikh fait pour celui qui lit cette risala, qui lit ce livre. Qui le lit en recherchant à comprendre et à appliquer cette connaissance pour que Allah subhanahu wa ta'ala le guide vers le droit chemin. An yurshidahu. Al-irshad. On a déjà fait un cours il y a de ça plusieurs années, peut-être en 2004. On avait fait le livre de Cheikh Al-Fawzan, Al-Irshad ila Sahih al-I'tiqad. Al-Irshad, ça veut dire quoi? Ça vient de Rushd, ça veut dire la guidance. Ça veut dire l'orientation, la bonne orientation. Ok? Ça veut dire aussi la bonne guidance, la bonne orientation, le fait d'être bien orienté. Et le Cheikh, il dit d'être guidé vers qu'est-ce qui est correct. Et d'appliquer, d'avoir la possibilité d'avoir le succès, de faire quelque chose qui est basé sur la science bénéfique et qui comprend donc les bonnes œuvres et la science bénéfique, c'est ça. At-tawfiq lil-'ilm an-nafi' wa al-'amal as-salih. Donc d'avoir le succès, de pouvoir avoir la science qui est utile et bénéfique et de faire les bonnes œuvres. Wa ar-rushd didd al-ghayy. نعم والرشد ضد الغي قال تعالى قد تبين الرشد من الغي وقال تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا والرشد هو دين الإسلام والغي دين أبي جهل وأمثاله. Donc الرشد en arabe on va l'écrire. Mohamed, tu veux pas l'écrire? c'est plus facile si c'est toi qui l'écris. Premièrement parce que t'écris mieux que moi. T'as une plus belle écriture. et deuxièmement parce que c'est plus facile. Tiens, prends les faces. Aïdam. Donc, Ar-Rushd. Ar-Rushd, c'est le contraire de Al-Ghay. Al-Ghay. Reine et Ya. Et ça veut dire que le mot Rushd en arabe, c'est le contraire du mot Rey. Ar-Rushd, ça veut dire la droiture, l'orientation, d'être bien guidé. Et Al-Rey, c'est la déviation. Rey. C'est ça. Al-Rey. Et non. Voilà, Al-Rayyu. Ok. Donc, il dit le Cheikh, le verset 256 dans Surat Al-Baqarah. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. Ça, c'est après quand il dit لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. Donc, ça veut dire que la droiture est devenue claire par rapport à la déviation, par rapport au mauvais chemin. D'accord? Et l'autre verset qu'il a cité, c'est le verset 146 dans Surat Al-A'raf. 146 dans Surat Al-A'raf. Naam. Donc, ce verset 146 dans Surat Al-A'raf, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et s'il voit... Si on leur montre tous les signes ils ne vont pas y croire. Et s'ils voient le chemin de la droiture, de la guidance, ils ne vont pas le prendre comme chemin. Donc, c'est pour montrer que le chemin de la guidance, c'est Ar-Rushd. Hein? Donc, Ar-Rushd, c'est quoi? En fait, le Cheikh dit, c'est la religion de l'islam. Ar-Rushd, c'est la religion de l'islam. Et Al-Ghay, Al-Ghay, c'est la religion de Abu Jahl, hein? Des idolâtres et de ceux qui lui ressemblent. Hein? Est-ce que tu arrives à voir bien? Peut-être que si tu te plaçais un peu d'une autre position, tu verrais mieux. Ok, comme ça, c'est bon. Alhamdulillah. Et barakallahu fik. Donc, le Cheikh dit wa qawluhu arshadakallahu li ta'atihi hadha du'a'un 'azimun fa innal muslim idha arshadahu Allahu li ta'atihi faqad sa'ida fi ad-dunya wal akhirah. Hein, subhanallah. Le Cheikh dit quand le Cheikh il fait son du'a, il dit sache que Allah t'oriente ou te guide vers son obéissance. Ça, c'est un grand dua. C'est un dua très important. Parce que lorsque le musulman, Allah l'a guidé vers son obéissance, ça veut dire qu'il a atteint le bonheur dans cette dunya et dans l'au-delà. Hein? Parce que le vrai bonheur, c'est d'obéir à Allah et son messager. Dans cette dunya et dans l'au-delà encore plus. Dans cette dunya, ça c'est... Pour certains, ce n'est pas toujours évident. Il y en a qui s'imaginent que le vrai bonheur, c'est de désobéir à Allah et à son messager. Il y en a qui pensent, parmi les koufars, parmi les musulmans qui ont une foi faible, ils pensent que le bonheur, c'est de désobéir à Allah et à son messager. Et ça, c'est une fausse croyance, ou bien c'est une fausse compréhension. Parce que le vrai bonheur, le bonheur réel, c'est uniquement dans l'obéissance d'Allah et dans l'obéissance de son messager. Dans la désobéissance d'Allah et dans la désobéissance de son messager, il n'y a que le malheur. Il n'y a que le malheur dans cette dunya et dans l'autre. Hein? Et bien entendu, le malheur qui atteint la personne dans l'autre vie, c'est-à-dire après la mort, il est plus grand que le malheur qu'il attendait, qu'il avait dans cette vie s'il désobéit à Allah et à son messager. Ensuite, il dit « والطاعه هي امتثال ما امر الله به واجتناب ما نهى الله عنه وهذه هي الطاعه ان تطيع الله في اوامره وتفعلها وفي نواهيه فتجتنبها امتثالا لامر الله وابتغاء وجه الله وابتغاء وجه الله ترجو ثوابه وتخاف عقابه فمن وفق لطاعة الله وأرشد لطاعة الله فإنه يسعد في الدنيا والآخرة. Le Cheikh il dit que l'obéissance, qu'est-ce que c'est? Ta'a en arabe. Mohamed, tu peux écrire le mot ta'a. Donc, ta'a, ça veut dire de respecter les commandements et les ordres de ce que Allah a ordonné. De respecter les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'écarter de ce que Allah a interdit. Ça, c'est l'obéissance. C'est ça, atta'a. Et ça signifie que tu obéis à Allah dans ses ordres et que tu les fasses. Et que tu obéisses dans les interdictions d'Allah, donc tu t'en écartes et que tu t'en n'éloigne. Et non, ta'a. C'est comme ça. Ça s'écrit. L'obéissance. Et non. Non. Ta'a, c'est pas la même chose. Ta'a, c'est deux lettres arabes. Ta et ha. Tandis que ça, c'est ta'atu. Et non. Ta marbouta, on appelle. Et non. Le dernier ta, là, c'est une boucle. Si tu t'arrêtes dessus, ça fait un ha. Et si tu continues, ça fait un ta. Donc, ça c'est l'obéissance en arabe. Le contraire de ta'a, c'est quoi? Ma'asiyah en arabe. Ma'asiyah. Et en arabe, celui qui obéit à Allah, on l'appelle al-muti'a. Al-ta'a, c'est l'obéissance, et celui qui obéit, c'est al-muti'a, c'est-à-dire celui qui obéit. Et celui qui désobéit, c'est al-asi. Et le mot, c'est ma'asiya. On va mettre le mot en dessous de ta'a, écrit al-muti'a. Oui, muti'a. Non. Parce que dans Ghayr al-Mahdoubi, c'est pas Ghayr, c'est Ghayr, avec un ra à la fin. Et c'est les deux premières lettres, c'est les mêmes, le Ghayr et le ya. Mais à la fin, il y a le ra. C'est ça qui est la différence. Ghayr al-Mahdoubi, Ghayr ça veut dire autre. Tandis que Ghayr ici, ça veut dire la déviation. Donc, al-Muti', c'est celui qui obéit. Et là, il va écrire al-Asi. C'est celui qui désobéit. C'est le contraire. Donc, al-ta'a, c'est le contraire de al-ma'siya. Ok? Et al-muti', c'est l'obéissant. Et al-asi, c'est le désobéissant. Donc, comme on a expliqué, l'obéissance, c'est quoi? C'est de respecter les ordres d'Allah, de s'écarter de ce qu'il a interdit. Donc, ça c'est l'obéissance. Tu obéis à Allah dans ses ordres, en les faisant. Et tu obéis à Allah dans ses interdictions, en t'écartant de ce qu'il t'a interdit, par respect pour les ordres d'Allah. Et tu recherches, tu fais cela en recherchant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu crains son châtiment. Tu le fais en craignant son châtiment. Donc celui qui a réussi à voir ça, il a eu le succès. Il est dans l'obéissance d'Allah. Et il a été guidé à l'obéissance d'Allah. Et donc il sera heureux dans cette dunya et dans l'au-delà. Si on regarde par exemple les kuffars qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, et qui obéissent à des lois faites par des hommes, hein. Je pensais à ça aujourd'hui ou hier. Ça me faisait réfléchir. Parce que tu vois que ils obéissent à plein de lois. Par exemple, les koufars, ils vont s'abstenir de voler, par exemple. Pourquoi? Parce que ils ont fait une loi qui dit tu dois pas voler. Tandis que le mu'min, lui, il va pas voler. Pourquoi? Parce qu'il croit que Allah a interdit le vol. Mais les koufars, quand ils volent pas, est-ce qu'ils croient qu'ils seront récompensés de pas voler? Hein? Ils croient pas ça. Tandis que le mu'min, quand il vole pas, non seulement il est en train de s'abstenir de faire une mauvaise action, il est en train de s'abstenir de faire un péché, mais en même temps, Allah il le récompense parce qu'il vole pas. Hein? Ça c'est quelque chose, les koufars, ils ont pas ça, tu vois. Et c'est pour cette raison-là que quand les koufars, ils essaient de faire respecter aux gens les lois, les gens, ils les respectent pas, les lois qu'ils ont inventées. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ce sont des hommes qui ont inventé ces lois-là, et même si je les contredis, ça dérange pas, puisque je vais pas être puni. Hein? Des fois, ils savent que s'ils vont désobéir aux lois des hommes, Ils peuvent s'en échapper de la punition parfois. Soit ils peuvent s'en échapper parce qu'ils vont pas se faire attraper, ou bien soit qu'ils vont s'en échapper parce que après qu'ils se sont fait attraper, ils vont chercher un moyen de s'en échapper. Soit ils vont donner de l'argent aux policiers, ou bien aux juges, ou bien essayer de trouver un moyen pour s'en faufiler. Ils vont prendre un bon avocat ou quelque chose comme ça, qui va essayer de se faufiler entre les lois pour s'en sortir. Mais est-ce qu'il peut s'échapper d'Allah subhanahu wa ta'ala et du châtiment d'Allah? Non. Le mu'min, à cause de cette foi-là, c'est ça qui le protège de tomber dans le péché. Parce qu'il sait que s'il fait le péché, il ne peut pas s'en échapper au jour de la résurrection, sauf par la repentance. Puis, il sait également que s'il ne le fait pas, ce péché-là, il va être récompensé pour ça en plus. Ça, c'est quelque chose que le kafir, il n'a pas. hein, par rapport aux, aux lois qu'ils ont inventées eux-mêmes, et c'est des gens qui vivent que pour la dunya. Et c'est pour ça que leur système ne fonctionne pas. Parce que tout le monde, hein, il pense qu'il peut profiter des autres. Et ceux-là même qui ont écrit les lois sont les premiers à contredire ces lois-là. Hein? Donc ça, c'est juste un point que... quelque chose que j'avais réfléchi en passant. Donc je voulais juste partager ça avec vous. Naam. Mm-hmm. Mm-hmm. Allah mustan. Ah non, eux ils croient, ils pensent que pour, ils pensent qu'ils croient seulement en qu'est-ce qu'ils voient. Allah mustan. Toutefois, même s'ils ne voient pas Allah, mais les signes d'Allah, ils les voient tous les jours, tous les instants, ils les voient, mais ils ne réfléchissent pas. C'est ça le problème. Ensuite, le cheikh il dit أن الحنيفية ملة إبراهيم, que الحنيفية c'est la religion d'Abraham. الحنيفية ça vient de الحنيف. Tu peux écrire الحنيف. Al-Hanifiyya, ça vient de, du mot Hanif. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire Hanif. Le Cheikh il dit, قوله, إن الحنيفية ملة إبراهيم, c'est-à-dire Al-Hanifiyya, c'est la religion d'Abraham, أي الذي يجب أن تعمل وأن تعرف أن تعلمه وأن تعرفه. أن الحنيفية ملة إبراهيم الذي يجب أن تعلمه وأن تعرفه أن الحنيفية ملة إبراهيم. C'est obligatoire pour toi de savoir que et que tu connaisses que الحنيفية c'est la religion d'Abraham. الحنيفية ça vient du mot حنيف, et le mot حنيف il vient de Al-Hanaf. Et Al-Hanaf en arabe, ça veut dire, dans la langue, Al-Maylu. Al-Maylu. Al-Mayl, ça veut dire de pencher. Ok? Al-Mayl, ça veut dire de pencher, d'avoir un penchant. D'accord? Donc, Al-Hanif, c'est ce, le cheikh, il explique, il dit, Ma'na Al-Hanifiyya, hi Al-Milla, المائلة عن الشرك إلى التوحيد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حنيفا مسلما حنيفا أي مائلا عن الشرك ومعرضا عنه إلى التوحيد والإخلاص لله عز وجل. Donc الحنيف, on dit que le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم était un حنيف avant d'avoir la révélation. Il ne faisait pas partie des adorateurs d'idoles à la Mecque. Hein? Et il y en a comme ça qui étaient restés sous la religion d'Abraham depuis. On les appelait Al-Hunafa. On les appelle Al-Hanif. Al-Hanif, c'est celui qui s'est penché ou qui s'est détourné du shirk et qui s'est penché vers le tawhid. Hein? Vers la pureté et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Al-Hanifiyya, ça vient de Al-Hanif, en arabe. Et Al-Hanif, ça vient de Al-Hanaf, qui veut dire pencher, Al-Mail, hein, un penche, d'avoir un penchant. Donc, d'avoir un penchant vers le Tawhid et de s'opposer aux idoles et de s'écarter, s'éloigner de l'idolâtrie et des idoles. C'est ça que ça signifie. Et le cheikh il dit, قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. Donc Abraham, il était une umma, c'est-à-dire un guide, un modèle. قانتا لله, donc obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. القانت, c'est l'obéissant. Tu peux écrire aussi قانت. Là, vous allez apprendre beaucoup de mots aujourd'hui. C'est la même sens que Al-Muti', sauf que Al-Qanit, c'est Al-Dawam Al-Ta'a. Donc, ça veut dire d'être perpétuellement dans l'obéissance. dans l'obéissance perpétuelle et permanente. C'est pas juste obéissant comme ça, c'est obéissant de façon permanente et perpétuelle. Donc al-qanit, c'est ça. Donc qanitan lillah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qanitan lillah hanifan wa lam yakun min al-mushrikin. Et il n'était pas parmi les mushrikin ou du nombre des mushrikin. Donc le cheikh explique, il dit ensuite, ça c'est le verset 120 hein, dans sourate An-Nahl, le verset 120 dans sourate An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ça. Ensuite il dit fal hanif min awsaf Ibrahim alayhi salam bima'na annahu mu'rid an ash-shirk wa ma'il anhu bil kulliyya ila at-tawhid mutawajjih bikul wajhatihi إلى التوحيد والإخلاص لله عز وجل قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. Donc الحنيف ça fait partie des descriptions de Ibrahim عليه السلام, de ses caractéristiques, dans le sens que c'était quelqu'un qui s'était détourné complètement du shirk et qui penchait totalement et entièrement vers le tawhid, qui se dirigeait dans tout son être, hein, par tout son être, à Allah subhanahu wa ta'ala. Il se dirigeait complètement vers le tawhid et vers la pureté dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il mentionne le verset 123 dans surat An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis nous t'avons révélé, de suivre la religion d'Abraham qui était un hanif. Donc la religion d'Abraham, c'est ça, c'est al-hanif, c'est d'être un hanif. Toute personne qui n'est pas hanif, il te dit qu'il est sur la religion d'Abraham, il a menti sur Abraham, hein? Et c'est ça que les chrétiens et les juifs aujourd'hui, ils prétendent. Ils disent, nous on est sur la religion d'Abraham, on a tous Abraham en commun, on suit Abraham. C'est pas vrai, puisqu'ils ne sont pas des Hunafa. Dans leur religion, il y a plein de différentes manifestations de shirk, hein, en commençant par les chrétiens, qui sont parmi les plus grands mushrikines sur la terre. C'est les chrétiens, allez, qui adorent Isa, alayhi salam, qui disent qu'il est Dieu, ou fils de Dieu, Dieu incarné, hein, ou bien un d'entre les trois êtres qui, selon eux, forment la Trinité. Et qui prétendent que les trois forment un, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est de l'idolâtrie, ça, c'est du shirk. Abraham, est-ce que Abraham a enseigné ça aux gens? Est-ce que Abraham adorait Jésus? Est-ce que Abraham a dit Jésus est une part de Dieu ou fait partie de la divinité? Jamais. Même que Isa, alayhi salam, dans les livres que les chrétiens ont aujourd'hui qui sont falsifiés encore, mais malgré tout, il y a encore des restes de tawhid dedans. Il dit lui-même, mon Dieu, c'est le Dieu d'Abraham. Il dit, Isa alayhi salam, il dit, mon Dieu, c'est le Dieu d'Abraham. Est-ce que le Dieu d'Abraham, c'était Isa alayhi salam? Non. Donc, ça, c'est la preuve que qu'est-ce qu'ils disent, c'est contraire à la religion d'Abraham. En plus, il prie à des saints, il prie à des images, il prie à des croix, il prie à des statues dans leurs églises. Ils se mettent à genoux devant, hein, ils les vénèrent. Ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah. Ils adorent des tombes et des saints et des pierres et des, hein, et des morceaux de tissu, toutes sortes d'autres choses qu'ils adorent en dehors d'Allah. Et ils prétendent que ces choses-là peuvent les rapprocher d'Allah. Donc ça, c'est de l'idolâtrie, c'est du shirk. Ils cherchent la bénédiction de d'autres que d'Allah. Je me souviens, j'en ai déjà parlé dans un autre cours une fois, mais quand même, à chaque fois, ça me fait rire d'y penser. Vous savez, dans les églises catholiques, en particulier, il y a de l'eau bénite à l'entrée. Quand on est petit, on nous apprend ça. Hein. Tu rentres, là, il y a comme un petit truc avec un petit trou, là, puis il y a comme de l'eau. Quand tu rentres, tu mets ton doigt là-dedans, puis tu fais le signe de la croix avec ta main. Et puis ils disent que ça c'est de l'eau bénite. Et quand tu vas par exemple à l'oratoire Saint-Joseph, quand j'étais petit j'allais souvent avec ma mère et ma sœur, et ma mère et ma soeur et ma grand-mère, Allah Musta'an, et on allait jusqu'en haut, il y a une petite chapelle, un petit truc là, où ils donnent des bouteilles, et tu peux remplir ça avec de l'eau, et c'est de l'eau bénite. Une fois que je suis arrivé, j'ai pris la bouteille pour mettre de l'eau, et la dame qui est là, qui travaille là-bas, elle me dit, non, attends, parce qu'elle n'est pas encore bénite, cette eau-là. Alors j'ai demandé, comment on fait pour la bénir? Et elle m'a dit, mais c'est le prêtre qui doit venir pour la bénir. J'ai dit, ok, d'accord, bon. Juste en sortant de la place, j'ai vu le prêtre arriver. J'ai dit au prêtre, monsieur, cette eau-là, elle n'est pas encore bénite. Il m'a dit, ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Il a pris la bouteille, il a fait un X avec sa main, comme une croix avec son doigt. Dessus, il a fait une prière, il a dit, ça y est, elle est bénite. Il dit, ah, c'est ça l'eau bénite. Moi, je croyais que c'était quelque chose, mais après, j'ai dit, c'est pas sérieux, subhanallah. Mais c'est pour dire comment ces gens-là, des fois, ils se donnent le pouvoir de bénir les choses, Allah al-Musta'an, alors qu'en réalité, c'est Allah qui peut bénir. Hein? Hein, le pouvoir de pardonner avec les confesses, hein, les petites boîtes là, tu rentres là-dedans, tu dis auprès de ton péché, tu dis ok, d'accord, on va en paix, tu es pardonné. Allah Musta'an. Ça c'est Allah qui pardonne. Hein. Et ça c'est des exemples de l'égarement de ces gens-là qui ne suivent pas la religion d'Abraham. Abraham déjà il était hanif, il n'adorait pas d'autre que Allah. En plus, parmi les éléments qui font partie de la religion d'Abraham, on voit que Abraham, yani, il a été circoncis. Ça fait partie de sa sunna. Les chrétiens, ils ne font pas cette sunna. Il s'est circoncis lui-même, d'après ce qui est mentionné dans les rapports. Il était vieux même à cet âge-là quand il s'est circoncis. Il l'a fait avec une pierre, effilée, na'am. Donc ça c'est des exemples. Et il y a beaucoup d'autres exemples aussi. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am. C'est obligatoire de faire la circoncision lorsque quelqu'un se convertit à l'islam. Et c'est sûr que si tu vas voir un médecin, puis tu lui expliques, il n'y a pas de problème. Non, tu vas voir un médecin, tu lui expliques, puis ils vont le faire. C'est juste que avant, ils le faisaient à beaucoup d'enfants à la naissance. Maintenant, après, ils ont arrêté de le faire. Mais si tu le demandes, ils vont te le faire. Puis c'est la sunna des prophètes. Hein? C'est la voie d'Abraham. Donc il faut le faire. Lorsque quelqu'un s'est converti, il doit faire ça. Hein? Donc ça, c'est un point. Pendant une semaine, la personne, bon, c'est sûr que pendant une semaine ou deux, ça, c'est un peu, ouais, c'est un peu difficile, mais après ça, ça devient correct, ça se guérit tout seul, puis après, il n'y a pas de problème. Non. Donc, ça, c'est des exemples qui font partie de la religion d'Abraham. Et puis, il y a beaucoup d'autres éléments aussi, beaucoup d'autres aspects. On en mentionnera peut-être d'autres, Inch'Allah, au fur et à mesure. Mais c'est pour dire que ces gens-là qui prétendent suivre la voie d'Abraham, ils ont contredit la voie d'Abraham. On a vu aussi un exemple de la voie d'Abraham dans le cours précédent, dans les cours passés, quand on a parlé d'Al-Wala wal-Bara, on a mentionné l'exemple d'Abraham qui s'est désavoué de son peuple et de ce que son peuple adorait. On a vu l'exemple d'Abraham également lorsqu'il a détruit les idoles de son peuple. Tout ça, ça fait partie de la religion d'Abraham, de combattre le shirk. Ces gens-là, les chrétiens et les juifs, ils ne combattent pas le shirk. Hein? Donc ça, c'est des exemples. Ensuite, le shaykh, il dit, « Wa qala subhanahu wa ta'ala », un autre verset qui est très important, justement, à ce sujet-là, qui vient confirmer ce que je viens juste de d'expliquer. « Ma kana Ibrahim yahoudiyan, wala nasraniyan, walakin kana hanifan muslima, wama kana minal mushrikin. » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 67, dans surat Al-Imran, Abraham n'était ni un juif, ni un chrétien, mais il était un hanif, hein, un musulman soumis à Allah, et il n'était pas du nombre des mushrikines. Hein. Donc, il n'était ni juif ni chrétien. Alors que eux, les juifs et les chrétiens, prétendent qu'ils suivent Abraham. Abraham est venu avant la Torah. Et il est venu avant l'Injil. Donc il ne pouvait pas être ni juif ni chrétien. Hein? Mais il était hanif et un muslim. Hein? Et il ne faisait pas partie des gens qui adorent des idoles ou qui adorent d'autres avec Allah ou qui font du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça c'est la religion de l'islam, c'est ça la base de l'islam. C'est pour ça que les gens, quand on leur dit aujourd'hui l'islam c'est la religion de tous les prophètes, et que Moussa était un muslim, un musulman, et que Isa était un muslim, un musulman, et que Abraham était un muslim, un musulman, ils disent mais comment il pouvait être musulman puisqu'il est venu avant l'islam et avant le Coran. On leur dit parce que le message de base de l'islam que vous avez contredit, il était enseigné par tous les messagers d'Allah. Il n'est pas venu seulement avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le message du tawhid, à la base, c'est ça l'islam. Et c'est pour ça qu'on dit que l'islam, c'est la religion de tous les messagers. Mais vous avez contredit la religion de l'islam que les messagers ont amenée, parce que vous avez contredit l'enseignement du tawhid, que les messagers que vous prétendez suivre ont enseigné à leur époque. Hein? Donc vous êtes plus sur la religion du tawhid et vous avez renié les messagers qui sont venus après. Hein? Donc ça veut dire que vous n'êtes pas des croyants puisque vous rejetez. Par exemple, les juifs rejettent Isa alayhi salam et ils rejettent l'Injil, et les chrétiens et les juifs ils rejettent Muhammad sallallahu alayhi salam et le Coran, et ils rejettent l'islam en entier. Donc, et il y a un groupe de chrétiens qui, il y a un groupe de juifs, en tout cas je ne sais pas si c'est vraiment des juifs, Allahu a'lam, mais bon, on les voit à la sortie des métros dans différents coins de Montréal. Oui, attends, tu vas voir, moi je pense que c'est des chrétiens, mais bon, ils se font appeler Jews for Jesus. Jews for Jesus, ça veut dire les juifs qui sont pour Jésus. Une fois, j'en ai rencontré un, il voulait me donner le pamphlet Jews for Jesus, ça veut dire les juifs qui sont pour Jésus. J'ai demandé, vous n'avez pas Jews for Muhammad? Ils ont dit, non, on l'a pas encore celui-là. Mais j'ai dit, ben, il faudrait, parce que tu vois, ça vient compléter la voix des prophètes. Donc, en réalité, c'est ça. C'est que le prophète Isa alayhi salam, il est venu pour Bani Israël. Le prophète Isa alayhi salam, il est venu comme messager envoyé par Allah pour le peuple d'Israël. Et c'est pour eux qu'il est venu seulement, à la base. Hein? Il n'est pas venu pour l'humanité tout entière. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi salam qui est venu pour l'humanité tout entière. Ok? Et c'est donc, les juifs ont refusé de croire à Isa alayhi salam. Donc ils sont restés comme une secte parmi les sectes, des gens qui ont dévié de la religion des prophètes. Puis ensuite, les chrétiens, la même chose, ils ont fait la même erreur que les juifs. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, ils ont refusé de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont devenus un groupe d'égarement, comme les autres, comme les juifs après. Et donc, c'est comme ça. Supposons, parce que le dernier des messagers, le dernier des prophètes, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais supposons qu'il y avait un autre prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait annoncé qu'il venait. Et vu que ce prophète-là arrivait, et que nous, les musulmans, on refusait de croire en lui, nous aussi on serait devenus des koufars. Hein? Ça c'est juste un exemple pour comprendre que celui qui ne croit pas à un autre, au prophète qui vient après, il n'est plus considéré comme un croyant par la suite. Et même s'il n'y a plus de messagers, même s'il n'y a plus de prophètes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un se dit musulman aujourd'hui, mais qu'il ne suit pas la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il suit autre que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'il rejette la sunna, ou bien qu'il prétend qu'il y a un autre prophète après lui, donc c'est sûr qu'il est kafir, il n'est pas musulman. D'accord? Donc ça c'est des exemples. Et ensuite de ça, le cheikh il dit: وهذه اوصاف ابراهيم عليه السلام العظيمه منها انه كان حنيفا وان ملته الحنيفيه وهي المله الخالصه لله عز وجل التي ليس فيها شرك وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع هذه الملة بقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وأمرنا نحن كذلك أن نتبع ملة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين وهي دين جميع الرسل. Donc ça c'est les descriptions, les grandes descriptions par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le prophète Ibrahim alayhi salam. Parmi ces descriptions là qu'il était un hanif et que sa religion c'était la religion de al-hanifiyya. Hein? Et regardez juste dans le Coran l'exemple que Allah a mentionné au sujet de la da'wa de Ibrahim à son peuple et à son père et comment il a détruit les idoles et comment et qu'est-ce qu'il a fait durant sa vie et vous voyez que cette religion là il n'y en a pas une qui est plus proche de sa religion que l'islam, que le message tel qu'il a été ramené par le dernier des messagers, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne aux messagers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de suivre la religion d'Abraham. Et c'est mentionné dans plusieurs versets. C'est-à-dire la religion qui est purement pour Allah seul, dans laquelle il n'y a pas de shirk, et que Allah a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de la suivre. Il dit dans le verset 123, dans Surat An-Nahl, puis nous t'avons révélé de suivre la religion d'Abraham, qui était un hanif, et il n'était pas du nombre des mouchriquines. Donc, la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la religion d'Abraham. Et c'est cette religion-là que tous les hommes sont ordonnés de suivre. Et on a été, nous aussi, ordonnés de suivre la religion d'Abraham, alayhi salam, lorsque Allah sallallahu alayhi wa sallam mentionne dans le verset 78, dans Surat al-Hajj, c'est lui qui vous a choisi. Hein, il vous a choisi et il n'a mis dans votre religion aucune gêne et aucune source de difficulté. C'est la religion de votre père Abraham qui vous a appelé, hein, et il vous a appelé musulman. Il vous a appelé musulman, c'est-à-dire soumis. Hein? Et ça, Ibrahim alayhi salam, c'était l'exemple de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Même quand Allah lui a dit sacrifie ton propre fils, il s'est précipité pour le faire. Il n'a même pas dit, mais comment je veux pas égorger mon fils, hein? Il a dit, si c'est la volonté de mon Seigneur, je le fais. Et donc il est parti, il a allongé son fils et il a pris son couteau. Et juste au moment où il allait le sacrifier, l'égorger, l'ange est venu avec le mouton et pour remercier et récompenser Ibrahim d'avoir été sincère et obéissant dans l'ordre d'Allah, il a remplacé le fils par un mouton. Et nous, chaque année, quand c'est la fête de Eid, hein, Eid al-Adha, eh bien, on commémore cet événement-là en sacrifiant nous aussi un mouton. Le mouton, tu veux dire sur la terre? Oui, il existe. Puisqu'ils l'ont égorgé, ça veut dire qu'il est... Tu veux dire que le mouton, c'est l'ange qui l'a amené, il n'existait pas avant? Ah non, mais Allahu a'lam, mais moi je pense qu'il existait avant. Je pense pas que c'était le premier mouton qui est apparu sur la terre. Et Allahu a'lam, donc c'est ça. Ensuite, le cheikh il dit. Donc c'est ça. Il dit donc ça c'est la religion de tous les prophètes. ولكن لكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء بعد نبينا. لكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لاقى في سبيل الدعوة إلى التوحيد من التعذيب والامتحان ما لم يلقه غيره. فصبر على ذلك ولكونه أبا الأنبياء فإن الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذريته عليه الصلاة والسلام فالحنيفية ملة جميع الأنبياء وهي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هذه ملة جميع الرسل ولكن لما كان لإبراهيم مواقف خاصة نحو هذه الملة نسبت إليه ولمن جاء بعده والأنبياء كلهم من بعده كانوا على ملة إبراهيم وهي ملة التوحيد والإخلاص لله عز وجل. Donc le Cheikh dit que du fait que Abraham, Ibrahim alayhi salatu wassalam, était le meilleur des prophètes après notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dû subir et rencontrer dans le chemin de la da'wa au tawhid beaucoup de châtiments, beaucoup de d'épreuves et de difficultés. Hein? Vous savez que son peuple a essayé de le tuer, a essayé de le brûler vivant, hein? À cause du fait qu'il critiquait les idoles, il critiquait le shirk à son époque. Il a appelé au tawhid. Donc, à cause de ça, il y a très peu de messagers qui ont dû subir autant d'épreuves que lui, mais il a été, hein, il a été yani, très patient, très endurant sur cette voie-là. Et étant donné que c'était le père des prophètes, parce que on voit que tous les messagers, tous les prophètes qui sont venus après Ibrahim faisaient partie de ses de sa descendance. Les prophètes qui sont venus après Ibrahim, ils faisaient tous partie de la descendance d'Ibrahim. Parce que Ibrahim, il a eu deux fils, hein, il a eu Isaac, Ishaq et Ismaïl. Avant lui, avant Allahu A'lam. Mais après, comme par exemple Ishaq et Ismaïl, Ismaïl, de la descendance d'Ismaïl, il y a eu le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. De la descendance de Ishaq, il y a eu ensuite donc Ya'qub. Puis après Ya'qub, c'est le père des 12 tribus d'Israël qu'on appelle. Donc c'est pour ça qu'on appelle Ya'qub, on l'appelle Israël et ses fils Banu Israël, les fils d'Israël. Ok. Et parmi les fils d'Israël, il y a Youssouf alayhi salam. Hein, Youssouf, qui était un prophète également. Puis dans les descendants de Youssouf et ceux qui sont venus par la suite, il y a eu Moussa alayhi salam, puis il y a eu Daoud et Sulaiman, et il y a eu beaucoup d'autres. Hein, Issa, et puis c'était le Issa, oui. Avant? Non, il est resté vieux jusqu'à ce qu'il a, même à un moment donné, il avait plus d'enfants et quand les anges sont venus pour lui annoncer qu'il allait avoir un enfant parce que sa femme était devenue vieille déjà, donc il pensait pas pouvoir avoir d'enfants. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des enfants alors qu'il était très très vieux, hein. Donc, il a eu Ismaïl, puis après il a eu Ishaq. Allahu a'lam. Mais l'important, c'est qu'on sait qu'il y a eu Adam, il y a eu Nuh. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans plusieurs versets que, yani, minhum man qasasnahum alayk, ou minhum man lam naqsushum alayk. Donc, il y a des prophètes au sujet desquels on vous a raconté leur histoire, et il y a d'autres prophètes au sujet desquels on ne vous a pas mentionné leur histoire. Il y a des prophètes qui sont mentionnés dans le Coran, il y en a d'autres qui ne sont pas mentionnés dans le Coran. Ceux qui sont mentionnés dans le Coran, c'est le 25, et il y en a d'autres, mais Allah n'en a pas parlé. Hein? Sauf qu'il a dit, « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ » Nous avons envoyé à chaque nation un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du ta'arout. Hein? Écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Hein? C'est ça le ta'arout. Donc, tous les peuples avant ont reçu des messagers. Et le Cheikh, il dit donc, na'am. Donc, le fait que, à cause du fait que tous les prophètes qui sont venus après Ibrahim étaient de la descendance d'Ibrahim, donc, on dit que Al-Hanifiyya, hein, la religion du Hanif, c'est la religion de tous les prophètes. C'est la da'wa au tawhid. Et c'est l'interdiction du shirk. Et ça, c'est la religion de tous les messagers d'Allah. Mais étant donné que Ibrahim avait eu des positions et des situations particulières par rapport à cette da'wa, on lui a attribué ce nom-là. On lui a attribué cette da'wa-là, hein, Al-Hanifiyya. Et donc, tous ceux qui viennent après, avec ce même message, on dit qu'il est sur la religion d'Abraham. Hein? Donc, tous les prophètes qui viennent après Ibrahim, a.s., ils suivaient tous la religion d'Abraham, et c'est la religion du tawhid et du fait de purifier l'adoration pour Allah seul. Ensuite, le cheikh, il dit, pour expliquer, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il définit cette religion, qu'est-ce que c'est? Al-Hanifiyya, qu'est-ce que c'est? Mais juste avant, je vais terminer le dernier paragraphe. Le cheikh dit: وَمَا هِيَ هَذِهِ الْمِلَّةِ الَّتِي أُمِرَ نَبِيُّنَا صلى الله عليه وسلم باتباعها وأمرنا باتباعه يجب علينا أن نعرفها لأن المسلم يجب عليه أن يعرف ما أوجب الله عليه من أجل أن يمتثله ومن أجل أن لا يخل به ولا يكفي الانتساب بدون معرفة ولا يكفي أن ينتسب للإسلام وهو لا يعرفه ولا يعرف ما هي نواقض الإسلام وما هي شرائع الإسلام وما أحكام الإسلام ولا يكفي الانتساب لملة إبراهيم وأنت لا تعرفها وإذا سئلت عنها تقول لا أدري هذا لا يجوز يجب أن تعرفها جيدا من أجل أن تسير عليها على بصيرة وألا تخل بشيء منها. Donc le cheikh, il explique un point important ici. Malheureusement, beaucoup de gens qui sont nés musulmans, ils prennent pas ça au sérieux. Le cheikh, il dit que c'est quoi cette religion que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné de suivre et que nous également avons été ordonnés de suivre. Il est obligatoire pour nous de le connaître. Parce que le musulman, il est obligatoire pour lui de connaître ce que Allah lui a ordonné. Hein, et de le mettre en application pour qu'il respecte justement et qu'il applique ces ordres-là et qu'il ne vienne pas avec des choses qui viennent en contradiction avec cet ordre-là. Donc c'est pas juste de dire moi je suis sur la religion d'Abraham ou bien moi je suis sur la religion de l'islam et puis si on te demande c'est quoi l'islam? Tu ne le sais pas. Et si on te demande de définir l'islam, tu ne sais pas. Le cheikh, il dit, ça ne suffit pas juste de te dire musulman ou d'être sur l'islam. Il faut que tu saches qu'est-ce qui annule l'islam, qu'est-ce que c'est l'islam, qu'est-ce qui annule l'islam. Parce que si tu ne sais pas ce qui annule l'islam, comment tu peux dire que tu es musulman? Je te dis, si je te demande, tu vois un musulman, tu lui dis, c'est quoi l'islam? Il dit, ben l'islam, c'est la religion d'Allah, c'est l'islam. Ok, c'est quoi? Qu'est-ce qui vient détruire l'islam de quelqu'un? Si tu le fais, tu ne seras plus musulman. C'est quoi ces choses-là? Ben, je ne sais pas, si tu ne crois pas en Dieu, oui, ok. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose? Est-ce que c'est... Hein? C'est pas juste... Il y a beaucoup de gens qui ignorent ces points-là, qui sont très importants. Et des fois, ils tombent dans certaines de ces choses-là qui font sortir de l'islam et ils ne le savent même pas. Et donc, ça c'est fondamental de le savoir, parce que si tu le sais pas, tu risques de quitter l'islam sans même t'en apercevoir. Donc, c'est dangereux. Ensuite, il dit de connaître également les principes et les règles de l'islam. Donc, tout ça, tu dois les connaître. C'est pas juste de dire, je suis sur la religion d'Abraham, puis tu sais pas c'est quoi la religion d'Abraham, c'est quoi les exemples d'Abraham, qu'est-ce qu'il a pratiqué, c'était quoi sa croyance, c'était quoi sa da'wa, c'était quoi sa... Comment il a établi le tawhid, comment il a combattu le shirk, si tu ne connais pas ces choses-là. Hein? C'est comme un frère, hein? J'en parlais justement aujourd'hui. C'est qu'il a parlé avec un frère, il lui demande qu'est-ce que c'est le shirk. Il ne savait pas lui expliquer. Donc je dis, si tu ne connais pas le shirk, tu ne connais pas le tawhid. Et si tu ne connais pas le tawhid, tu ne connais pas l'islam. Puisque la religion de l'islam, c'est la religion du tawhid. Et si tu ne connais pas ce qui oppose le tawhid, tu ne connais pas l'islam. Ok? Si tu ne connais pas le shirk, tu ne connais pas le tawhid, tu connais donc, tu connais pas l'islam. Donc c'est important de l'étudier et de le connaître correctement. Et c'est ça qu'on va expliquer dans cette partie-là, inshallah. Donc le cheikh il dit, c'est pas juste de dire moi je suis musulman, il faut savoir ce que ça signifie. Tu vas pas dire si tu, on te demande, tu dis je sais pas. Ça c'est pas permis. C'est pas permis de dire je sais pas, c'est-à-dire c'est pas que c'est pas permis de dire je sais pas, mais c'est pas permis de pas savoir ces choses-là. C'est ça le point. Donc c'est obligatoire de les connaître et de les connaître très bien pour pouvoir justement être capable de suivre cette religion-là avec connaissance, avec compréhension, hein, pour ne pas tomber dans quelque chose qui vient détruire cette religion-là, cette croyance-là. Donc, c'est quoi cette religion? C'est « Anta'abudallaha wahdahu mukhlisan lahuddin ». Hein? C'est que tu adores Allah, al-Hanifiyya, la religion d'Abraham, c'est que ça veut dire, ça signifie que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, en purifiant ta religion pour lui seul. Ok? En lui vouant un culte pur et exclusif. Donc ça c'est le point qui commence à expliquer donc la religion d'Abraham, ce que c'est. Et il dit wa qawluhu an ta'budu Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din hadhihi millatu Ibrahim an ta'budu Allah mukhlishan lahu ad-din tajma'u bayna al-amrayn al-ibadatu wal-ikhlas faman 'abada Allah lam yukhlis lahu ad-din wa lam takun 'ibadatuhu shay'an faman 'abada Allah فصام وحج وصلى واعتمر وتصدق وزكى وفعل كثيرا من الطاعات ولكنه لم يخلص لله عز وجل في ذلك إما لأنه فعل كل ذلك رياء أو سمعة أو أنه خلط عمله بشيء من الشرك كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله فإن هذا لم يكن مخلصا في عبادته بل هو مشرك وليس على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Le cheikh il dit que donc la religion d'Abraham, al-Hanifiyya, c'est d'adorer Allah lui seul et de ne rien associer avec lui, c'est-à-dire tu purifies ta religion pour lui. Ça c'est la religion d'Abraham. Donc si quelqu'un, vous lui demandez c'est quoi la religion d'Abraham, s'il ne te répond pas cette réponse-là, il n'a pas compris qu'est-ce que c'est la religion d'Abraham. Donc c'est que tu adores Allah en lui vouant un culte pur et en adorant que lui seul, et que tu réunisses entre ces deux points importants et fondamentaux, al-ibada ou al-ikhlas, l'adoration et la sincérité et la pureté dans ton adoration. Donc si quelqu'un adore Allah mais il ne l'adore pas avec pureté dans sa religion, en purifiant pour lui sa religion, il ne l'a pas adoré du tout. Il ne l'a pas adoré du tout, c'est comme s'il n'a rien fait. Donc si quelqu'un, par exemple, il adore Allah, il fait des jeûnes, il fait le hajj, il fait la salat, il fait l'umrah, il donne un sadaqa, il donne de l'argent, il fait la zakat, il fait beaucoup d'autres actes d'adoration, mais qu'il n'a pas fait preuve d'ikhlas et de pureté, de sincérité dans son adoration pour Allah, alors c'est comme si tout ce qu'il avait fait, ça n'a aucune valeur. Il dit, comme par exemple si quelqu'un il a adoré Allah, mais dans son adoration il y a de l'ostentation, c'est-à-dire il a fait pour se faire glorifier des gens, il voulait que les gens lui disent des éloges, lui donnent des éloges, ou bien parce qu'il veut une bonne réputation. Alors, dans ce cas-là, il a mélangé son adoration, son action, avec du shirk. Dans ce cas-là, son adoration, elle n'est pas valable. Comme quelqu'un, par exemple, qui adore Allah, ou qui fait des adorations pour Allah, mais en même temps qui invoque d'autres avec Allah. Comme celui qui invoque d'autres que Allah, ou qui cherche le secours d'autres que Allah, ou qui sacrifie des animaux pour autre que Allah, celui-là, il n'a pas purifié son adoration pour Allah. il est mushrik. Celui-là, en réalité, c'est un mushrik, c'est un idolâtre. Même s'il se dit musulman, même s'il se dit suivre la religion d'Abraham, même s'il prétend être croyant, hein? Non, ça, ça rentre pas dans l'ostentation. Ça rentre pas dans l'ostentation. Si tu fais quelque chose de bien, puis que dans ton intention, tu veux inciter les autres aussi à faire le bien, dans ce cas-là, ça rentre pas dans l'ostentation. Ça rentre au contraire dans le fait de vouloir le bien pour les autres, hein. Mais bien entendu, il faut que ton action soit à la base faite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Puis qu'en même temps, tu aies l'intention d'inciter les autres au bien. Mais pas juste de dire je vais faire ça pour inciter les autres au bien, sans que ce soit pour Allah à la base. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça c'est important. Ensuite, le cheikh il dit وكثير ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم يقعون في الشرك الأكبر من دعاء غير الله وعبادة القبور والأضرحة والذبح لها والنذر لها والطوائف بها أو الطواف بها والتبرك بها والاستغاثة بالأموات وغير ذلك وهم يقولون إنهم مسلمون هؤلاء لم يعرفوا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي عليها نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوها أو عرفوها وخالفوها على بصيرة والعياذ بالله هذا أشد وهذا أشد. Donc le cheikh il dit que beaucoup de gens aujourd'hui qui prétendent appartenir à l'islam, aujourd'hui ils tombent dans le shirk majeur, comme par exemple quand ils invoquent d'autres avec Allah, quand ils adorent des tombes, des tombeaux, et qu'ils égorgent des animaux pour ces tombes, ou qu'ils font des vœux pieux pour ces tombes, ou qu'ils font le tawaf autour de celles-ci, ou qu'ils recherchent la bénédiction, hein, ils vont se frotter dessus pour avoir des émanations de bénédiction, de baraka qui sortent, hein, soi-disant de ces choses-là. Et eux aussi, ils ont des fois même des sortes d'eau bénite, là, comme, un peu comme les chrétiens. Hein. Et ici, par exemple, près de la tombe d'un wali, c'est vrai, si à côté de la tombe d'un saint, là, il y a une source ou un puits, ils croient que à cause de ce soi-disant saint qui est mort à cet endroit-là ou qui est enterré à cet endroit-là, eh bien, ils croient que des émanations de bénédiction tombent dans cette eau. Et donc, cette eau-là devient bénite, et il se lave avec, hein. Ou bien, il y a plein d'autres exemples de ce genre, donc. Même des fois, ils pensent que la terre, elle est bénite. Donc, ils prennent de la terre avec eux, ils la ramènent à la maison, ils la mélangent avec l'eau du bain ou quoi, ils se lavent dedans, et ils pensent que ça peut, les bénir, ou bien les guérir, ou des choses de ce genre. Donc ça c'est exactement comme qu'est-ce que c'est les soufis, ils font en général les soufis c'est comme ça. Ils pensent que le cheikh il a une baraka qui coule de lui involontairement, hein, que ça tombe, tout ce qu'il touche est induit de cette bénédiction, hein, et que donc tout ce qu'il touche, donc les mourides qui le suivent essaient de le toucher eux aussi, ou de s'en mettre sur eux, ou des choses de ce genre. Il y en a même qui le font, par exemple, parce que, en fait, ça c'est uniquement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa personne, et qu'est-ce qui découle de lui, qu'on peut faire ça. Mais pas personne d'autre en dehors de lui, hein. Donc, eux ils essaient de traiter, de faire ces choses-là avec cet individu-là, comme les sahaba faisaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça c'est pas permis, hein, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était béni d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas les gens, pas ces gens-là, yani, subhanallah. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font, comme l'exemple que tu mentionnes, qu'ils ont pris le verre, ils ont essayé de se mettre de l'eau dessus parce qu'ils n'avaient pas tout bu, et de se caresser, de se frotter sur le coussin sur lequel ils s'étaient assis. Eh bien, il y a d'autres exemples, la même chose, des mourides qui font la même chose avec leurs chouyours, comme j'avais entendu une fois l'histoire d'un frère, justement, qui était avec les soufis au début dans la tariqa al-Aqshbandiyya, puis que quand il a appris qu'est-ce que c'était la sunna, il a quitté donc cette secte de gens de bid'ah et il est revenu à la sunna et il nous a raconté des histoires de qu'est-ce que ces gens-là faisaient justement. Et il m'a raconté une fois l'exemple d'une fois que ils étaient en train de faire le ménage dans la cave et ils ont trouvé une canne et c'était supposément la canne de leur cheikh. Alors le frère, c'était un converti, il a dit ben j'ai trouvé la canne et les autres se sont tous jetés dessus. Hein, pour la caresser, l'embrasser et tout. Et ils sont devenus fous quand ils l'ont trouvé. Alors, lui, il est monté en haut, un peu confus, troublé en même temps. Il ne comprenait pas. Il est allé voir leur imam. Hein, et il leur a dit, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Là. J'ai trouvé une canne et je leur ai montré. Puis, tout d'un coup, ils sont devenus fous. Ils se sont jetés dessus. Puis, ils ont commencé à se frotter dessus, des choses comme ça. Quand il a dit ça à l'imam, leur imam, il a dit pas vrai. Ils ont trouvé la canne du cheikh. Lui aussi, il est parti en bas en courant pour aller trouver la canne, tu vois. Donc là, il était complètement perdu, il comprenait plus rien là. Et puis, alhamdoulilah, par la suite, il les a quittés. Donc ça c'est un exemple Yannis, de gens qui cherchent la baraka de choses qui Yannis, et ils font des gestes ou des actions à partir de choses qui Yannis, ils n'ont aucun moyen de prouver que ces choses-là détiennent ou possèdent une baraka quelconque. Et celui qui est la source de la baraka, c'est Allah lui seul, hein. Donc ça c'est un point par rapport à ça, tu vois, de chercher les exemples de gens qui font le tawaf autour des tombes, qui cherchent la baraka des tombes, qui demandent le secours des morts, hein, et l'aide des morts, ainsi de suite. Ils font ça avec leur chouyouch, les soufiyyin, ils font ça durant leur vie, et ils font ça même après la mort de leur cheikh, ça continue même après sa mort dans sa tombe, ok? Et le cheikh, il dit, ces gens-là, ils disent qu'ils sont musulmans, et le cheikh, il dit, ceux-là, ils n'ont pas connu la religion d'Abraham, qu'est-ce que c'est, hein, sur laquelle notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était lui-même. Ils ne l'ont pas connu, ils ne l'ont pas, ils ne l'ont pas connu, ou bien, soit qu'ils l'ont connu réellement, mais qu'ils l'ont contredit avec connaissance. Et ça, c'est plus grave encore. C'est-à-dire, il y en a qui contredisent la religion d'Abraham parce qu'ils ne la connaissent pas. Donc ça, c'est un problème, mais c'est moins grave que celui qui la contredit après l'avoir connue. Ça, c'est encore plus grave. Hein? Et c'est pour ça, justement, comme le frère, là, il parlait du cheikh des Ahbash, du gourou des Ahbash, Abdullah al-Habashi. Mais ça, c'est juste un exemple, parce que Abdullah al-Habashi est la base de la da'wah des Ahbash, c'est une da'wah soufie, hein? Et il faut savoir qu'ils essaient d'appeler avec eux tous les soufis, hein, des autres turuq, à se rejoindre à eux, hein? Et en même temps, c'est quelque chose qui se retrouve dans toutes les turuq soufis, hein? Pas seulement chez les ahbash, hein? Donc c'est une pratique qu'on retrouve chez eux. Et ensuite le cheikh, il dit وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ. Donc on n'a pas fini encore de lire le passage, on va s'arrêter, on va lire le dernier paragraphe, puis on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Le cheikh dit « Famillatu Ibrahim la taqbalu shirk bi ayyi wajhin min al-wujuh, faman khalata amaluhu, faman khalata amaluhu bi shirkin, falaysa ala millati Ibrahim, wa in kana yantasibu ilayha. » ويزعم أنه مسلم فالواجب أن تعرف ملة إبراهيم وأن تعمل بها وأن تلتزمها بأن تعبد الله مخلصا له الدين لا يكون في عبادتك شيء من الشرك الأصغر أو الأكبر هذه ملة إبراهيم عليه السلام الحنيفية التي أعرضت عن الشرك بالكلية وأقبلت على التوحيد بكليتها أن تعبد الله مخلصا له الدين. Donc le cheikh, il dit que la religion d'Abraham, c'est que tu n'acceptes pas le shirk. peu importe dans, de quelle manière elle se manifeste. Tu rejettes toutes les différentes formes de shirk et tu n'en acceptes rien, peu importe de quelle façon elle se présente ou elle se manifeste. Et celui dont l'action est mélangée avec du shirk, alors il n'est pas dans la, il n'est pas sur la religion d'Abraham, même s'il prétend appartenir à la religion d'Abraham, même s'il prétend être un musulman, il n'est pas musulman, il n'est pas sur la religion d'Abraham. Donc il est obligatoire aux musulmans et à tous les hommes en fait de connaître qu'est-ce que c'est la religion d'Abraham et de l'appliquer cette religion-là et de la suivre en adorant Allah seul et en lui vouant un culte pur et sincère. Et que rien de tes actes d'adoration ne soit ou ne contienne quoi que ce soit de ce qui est shirk, peu importe que ce soit le shirk majeur ou le shirk mineur. Ok, tes actions doivent être purifiées de toute forme de shirk. Ça, c'est la religion d'Abraham, c'est ça al-Hanifiyya, qui c'est la religion de qui s'est détournée complètement du shirk et qui s'est tournée vers le tawhid en entier. Hein? C'est-à-dire d'adorer Allah en purifiant ton adoration pour lui seul. Donc ça, c'est la religion d'Abraham. Donc aujourd'hui, on a fait l'introduction ou le premier cours sur ce point-là. Et donc c'est pour ça que je disais, c'est un cours très très important. Puis les cours qui vont suivre, vous allez voir que, mashallah, il clarifie ce point comme on le retrouve dans peu de livres. Il clarifie ce point dans Al-Usul al-Thalatha comme on le retrouve dans peu de livres en dehors de ce livre-là. Donc on va s'arrêter ici pour ce livre-là, pour aujourd'hui, puis on continuera la semaine prochaine, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh.